Le lundi. Non, le dimanche. Ah ben oui, c'est vrai. C'est l'horaire estival. Le dimanche. Je suis tout mêlé. 5 août 2018. Monte le volume et une petite différence. On va recommencer. C'est pas professionnel. Errance canadienne, c'est professionnel. Alors, on recommence. Aujourd'hui, le lundi, non, le dimanche 5 août 2018, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Femme de rêve, Claude Dubois. Femme de rêve, femme d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre? Va voir au bout de mes rues, va dans la ville, viens voir de près ces femmes multicolores. Comme les fleurs ne sont que quelques-unes, solitaires dans la foule comme en forêt. Femme de rêve, femme d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre? Va voir au bout des rues, regarde dans ta vie, viens voir de plus près ces femmes multicolores, comme les fleurs ne sont que quelques-unes, solitaires dans la foule comme en forêt. Les fleurs ne sont que quelques-unes. Oui, j'ai... excuse-moi. J'ai l'oiseau un peu émietté, un peu perdu, qui ne chante plus, qui cherche sa ritournelle. Je suis l'oiseau. Pas l'oiseau, l'oiseau. Je suis l'oiseau. Voyons, on dit l'oiseau. Articulation de la bouche, prononciation parfaite. Vous êtes Aérence Rinaldienne, bonsoir. Et puis Claude Dubois, que j'ai vu en spectacle il y a quelques semaines. C'était formidable. 95 minutes de bonne musique, de succès, d'émotion, de rock'n'roll. C'était merveilleux. Pas de rappel, pas de fla-fla, pas de discours entre les chansons, que de la musique. Comme il le disait, il n'est pas humoriste, donc un chanteur doit chanter. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante? Et puis j'étais mêlé en ouverture, comme d'habitude. C'est que, vous savez, quand tu commences à faire de la radio, on te place dans un créneau, et le créneau, ben, on peut le modifier. Plus on le modifie, plus on le modifie, plus on mêle. Moi, la Rénal de Gagné, là, je suis fait, moi, pour être causé pendant 20 ans. Même heure, même chronologie, même syntaxe. Puis là, ben, cet été, on fait un jardin. C'est quand elle a la merveilleuse idée de faire un jardin sonore. Et ma fleur à moi se situe actuellement à 23h le dimanche et non pas la première émission du lundi, donc à minuit. Vous comprenez? Pas moi. Je comprends rien. Je comprends après l'événement. Je suis comme à retardement. Mais pas. Non, mais je le sais que vous ricanez dans votre bar, Madame Thibodeau. Vous devriez vous raser de plus près. J'en perds ma conjugaison. Puis là, je viens de regarder. C'était mon anniversaire il y a quelques jours, quelques semaines, mon anniversaire. On m'a offert du Belize que j'ai pas bu encore. Oh oui, que j'ai amené avant d'aller au spectacle de Claude Dubois. Je sais, vous allez dire, tu es un délinquant, mon petit. Tu iras en enfer. Non. Au lieu de prendre un drink au Grand Théâtre de Québec qui te coûte un bras. J'ai mis, c'est un, je dirais pas la marque, là, mais en tout cas, c'est un porto d'un vieillissement de 10 ans, en fût de chêne. Alors là, il a ronronné pendant, oh, non, il a ronflé pendant 10 ans, là. Puis il se retournait sur la bédaine, puis les gouttes rentraient dans, hein, l'ondulation rentrait dans son nombril. C'est comme ça, ça malaxe, ça se brasse, ça se torve, et ça arrive dans un élixir exceptionnel que l'on appelle le, je l'ai dit tout à l'heure, le, pas le vin, on n'est pas loin du vin, même 21,5, ah, ça, non mais c'est majeur, ah oui, c'est majeur. On appelle ça du... Hey, monsieur. Je tiens à vous dire, là, ça dure 2 heures, pas plus. Pas du brandy, garde l'autre brandy. Êtes-vous sur le brandy, madame Thibodeau? Pas du brandy, j'ai dit, moi, là. C'est un vin. C'est pas français. Non. Pourquoi je vous étire le truc? Parce que je me rappelle plus. Ah, du Porto. 10 ans d'âge. Donc, l'histoire veut que, au lieu de prendre un... oui, je le sais, je l'ai dit, le petit drink au Grand Théâtre de Québec. Puis non, mais je sais que c'est... Écoute, ça vaut l'endroit, là. C'est de la notoriété, le Grand Théâtre. Là. C'est pas chez Tucu Boudreau où tu vas entendre les plus grands succès de Tina Turner chantés par Ghislaine Vaurien. Quoi qu'elle a la voix, Ghislaine Vaurien, mais elle devrait un peu se retirer de la scène et peut-être changer de disque, là, changer de répertoire. On appelle ça un répertoire, pas de disque, mais de répertoire. Elle serait bonne pour faire du Madame Saint-Onge. Connaissez-vous Madame Saint-Onge? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que cela, ma vie? Puis c'est une des rares là, qui change en octave aussi souvent qu'elle peut pas. Elle chante. Que vais-je faire de tout ce temps? Elle chante. Que j'ai dit? Elle chante. Mais devenu? Elle chante. Que vais-je faire? Oh, hein, ça vous rappelle l'époque, hein? L'époque où ça se passait de même dans votre tête. Ça fait longtemps que c'est plus, hein? Comment réagissez-vous? A. Vous êtes dans un état étrange venu d'ailleurs. B. Vous vous êtes rendu compte de rien. 3. C'est comme ça depuis 70. Ça veut dire que vous avez. Mais depuis ce temps-là, c'est 70. Ou D. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir, mais c'est aussi bizarre que toutes les émissions d'errance rénaldienne. Alors, lequel vous choisissez, madame? Mais aucune de ces réponses. Vous voulez pas vous tromper? Félicie Torchon. Félicie Torchon, vous êtes comme ça, vous. Aucun risque, aucun problème. Qui risque rien n'a rien. Belle expression, ça. Qui risque rien n'a rien. Puis, on se dit derrière toute cette... D'où est partie cette petite phrase-là anodine, là? Est-ce que c'est Joanne Boivin en lavant sa vaisselle qui, à un moment donné, a dit « Ah, qui risque rien n'a rien. » Elle tournait avec sa balipette, là, tu sais, sa popette, sa jupette. Non, elle lave toute sa vaisselle avec sa jupette, elle, pour exciter son mari. Oh, ils sont mariés depuis 36 ans. À un moment donné, il faut exciter quelqu'un. Là, hein, ils se regardent dans le miroir puis eux-mêmes n'arrivent plus à s'auto-exciter. Quand tu n'arrives plus à t'auto-exciter, tu te demandes, j'ai-tu encore mon permis? Auto-exciter, permis, auto et permis. Hein? Est-ce permis de comprendre la blague, là? Hein? On l'a fait-tu, celle de l'orange? Hein? Ces deux oranges qui sont devant la porte? Puis une dit à l'autre, ben Sun Kiss! Oh! Sun Kiss! Oh! On vient de faire des mal. Non, mais moi, j'aime pas ça. Ben, oui, les oranges, oui. Ben, j'ai rien contre les oranges. C'est des petites belles qui veulent vivre, hein? Belle couleur, belle texture, senteur intéressante, goût aussi. Avec pulpe, c'est encore plus merveilleux. Plus il y a de la pulpe, plus on rit. Je me demande qu'est-ce qu'ils mettent dans la pulpe, hein? Moi, à chaque fois, j'en avale une. Oui, exactement. Quand j'en avale une, j'ai le fou rire pendant 25 minutes. Fait que si j'en prends 4, c'est pendant 100 minutes. 100 minutes, c'est un peu plus court que l'émission. Si c'est plus court que l'émission, ben t'en prends encore 2 autres pulpes. Puis si tu prends 2 autres pulpes, tu viens de dépasser l'émission, tu rends encore. T'as même pas écouté ta radio. T'as rien synthonisé. Tu te dis qu'est-ce qui se passe à soir. Oh, des belles choses. Hey, l'été passe tranquillement, hein? Hey, on voit ça, là. Moi, je reste assis. Toujours assis. Quand je me lève, c'est pour aller travailler. Tout le temps, c'est assis couché. Position préférée, assis couché. Comme mon papy. Moi, j'ai un popinette. Un popinette boiteux. Ça, c'est de la race aryenne. Ah oui. J'ai fait une petite niche, là. J'ai écrit « Ne pas nicher ». Ne pas nicher, mais lui... Bon, disons qu'il a peut-être la lecture un peu frileuse. Cela est son moindre défaut. Mais c'est parce que, oui, il dislike le cycle. Ça veut dire qu'il ne sait pas combien de moments il tourne encore dans sa tête. Là. Et les hamsters, lui, c'est très nombreux. Ça me surprend, ça doit être des tout petits, hein, parce que, ouf! Ouf! Il voit passer quelqu'un, il sait, ouf! Tiens, lâche l'hamster, toi! Calme-toi! Imaginez-vous que il est tellement stressé que le vétérinaire, pas le médecin, là, mais le médecin des animaux, le mien, c'est pas un animal. C'est mon ami. Donc, on vient pas dire, hey, il est beau ton chien, c'est pas un chien. C'est Banjo. Banjo, c'est pas un chien, c'est mon ami. Il y a un lien, là. Puis Banjo, moi, je le vous vois tout le temps. Je suis dans la rue, madame. Appelez pas la police, je suis dans la... Oui, je marche sur le trottoir et je le vous vois. Passez à côté de moi, vous, là. Restez tranquille. Bon, couchez. Mais qu'on va pas encore coucher, là, il y a 6 ans. Fait que pour lui montrer l'exemple, comme les enfants, je me couche. Sur le trottoir. Puis là, il y a des passants là, qui klaxonnent. Il y a des cyclistes! Mesdames et messieurs, et ça, là, c'est une montée de lait de la semaine. Avant, j'avais une chronique à montée de lait, et puis ma montée de lait. Puis pour être là, je suis là, madame. C'est pour ça que je fais de la radio. Mais le cycliste qui est sur le trottoir et qui me klaxonne, grêlin, grêlin, grêlin, je dis, hey, toi, l'imbécile, où es-tu? Il dit, sur la terre. Ouais, mais à part ça, je suis à côté de vous. Ouais, ouais. Puis, dites-en davantage, je roule en vélo. Oui. Vélo, trottoir, y a-t-il quelque chose qui cloche? Il dit, ben, c'est pas l'hiver. Même l'hiver, hein, en tout temps. Vélo, trottoir. Vélo, trottoir. Là, il n'y avait pas lieu. Il y a eu Saint-Abat. Tu sais, le genre avec le casse, là, vissé avec deux clous. Vous allez me dire, deux clous, ça ne visse pas. Mais moi, dans mon cas, les clous sont vissés. C'est le Frankenstein, mesdames et messieurs, c'est le Frankenstein du vélo. Il sait pas que, hey, mon casque, là, il tient pas sur ma tête, il va mettre des clous, cong, cong, cong, puis là, ça rentre dans sa tête, là. Puis là, c'est comme Jésus avec son épée démoclate des piquettes, c'est-tu piquette? Non, il a pas acheté une piquette du vin qui était pas buvable, là. Son roseau sur la tête, sa couronne de roseau, parce qu'il voulait se foutre de sa gueule. Ah ouais, c'est toi le roi, mon champion! Ah, oh, ben, gars-moi le crotté. C'est toi le roi, hein? On va t'en faire une couronne. Hey, le monde est méchant. Moi, t'en faire une couronne. Parce que c'est pas moi qui dis ça, parce que moi, Jésus, je l'aime. J'ai lu sur Jésus, puis Jésus a lu sur moi. Nous autres, on est deux frères. Puis si lui, il lit dans mon jeu, je lis dans son jeu, OK? Donc, c'est un personnage qui vient de dire ça. Enlever toutes les guillemettes, puis enlever toutes les... Ça fait que là, il dit, « Hey, toi, mon canté, tu te prends pour... » Encore une autre fois, mais... Le monde est comme ça, il est méchant. Le monde est méchant. Le monde est fou. C'est ce qu'on a dit. Ma chum, puis moi. Nous autres, on n'est pas fous, moi, puis ma chum. Mais le squelette du géant Beaupré... Non, c'est pas ça que je veux dire. Fait que là, il dit, hein, le crotté, il dit à mon ami Jésus, il dit... Ah ouais! La réplique est bonne. Ah ouais, tu te prends pour un roi, toi. Tu te prends hein, pour le en haut de la hiérarchie. T'es-tu un patron de supermarché de quartier? Vas-tu changer les dates de tes mayonnaises et de tes salades? Vas-tu changer les dates de tes sous-marins? Ben non. Surtout, t'as trop confiance et t'aimes trop le peuple. Mais non, mais pour te juger comme ça, ben pour te juger, pour te nommer ainsi. Qui es-tu? Qui es-tu? Alors, si t'es le roi, si t'es en haut de tous les problèmes de ce monde, c'était pas vrai, il était dedans, lui-là. Là. Il voulait aider les autres, mais les autres connaissaient pas. Il n'arrivait pas à décoder. Tu sais, il y avait le décodeur analogique. Il s'était pas numérique à l'époque. Ça fait que là, il dit, « Ah ouais, le roi, on va te mettre une couronne. » Une couronne d'épines, hein, mon petit canard? Fait que là, ils mettent ça sur la tête, aïe, aïe, donc, ça rentre dans les poings, hein? Ça saigne de partout. Oh, oh, oh, oh. Fait que là, Scorsese qui était dans le coin a fait un gros plan. Aïe, là, ça a fait pleurer parce que le gars qui était là, c'est un comédien. Ouais, j'ai oublié de vous dire, là, c'est pas le vrai Jésus, là, ça, c'est une histoire à conter. Puis ce gars-là, il n'était pas chrétien à l'époque. Là. Il était je sais pas quoi, il était errant rénaldien. Il croyait pas à grand-chose, mais il se raccrochait à tout. Même à sa blonde. Il disait, hey, moi, là, je t'aime, mon amour, je t'aime, mon amour. Puis lui, ce gars-là, il s'est fait enfermer. Pas dans une maison de repos. Ah non. Il s'est fait enfermer là, par les forces monsnambulaires, les bleus. Les nébuleuses, les grosses nébuleuses, là. Wouh, wouh, wouh, ces nébuleuses-là. Ils l'ont arrêté parce qu'elle a dit, hey, il est positionné sur moi. Hein? Là, les autres ont dit, ouais, mais tu sais, les nébuleuses, ouais, mais puis... Ben oui, mais il a postulé sur moi. Il a postulé un emploi. Non, mais quand tu parles, c'est ça, ça postillonne. Il a postillonné sur moi. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, bien, moi, je vais vous dire, moi, madame, mes chers quatre compatriotes, selon moi, là, selon moi, c'est de la violence. De la violence, voyons donc. Ben oui, il a postillonné. Ben oui, postillonné, c'est pas de sa faute. Il parle, il n'arrive pas à avaler sa salive. Non, non. C'est la langogière. Oups. Oups. À postillonner, c'est la langogière. Elle n'est pas très jolie, cette introduction, mais enfin, je trouve que je m'en sors pas mal. Dans la mesure où c'est pas moi qui l'ai faite. Que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Et ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, je suis faire la conquête. Je suis aimée, je peux m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Il voulait même me jeter par la fenêtre. Quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. La première fois qu'il m'a pris sa tendresse, il me fit peur tant il roula des yeux. Et depuis ce temps-là, s'il me fait une caresse, j'emporte la marque et j'ai les bras tout bleus. À ses transports, souvent, je me dérobe, car en amour, je sais que cet être-là va me déchirer mon jupon et ma robe. Quel plaisir quand on vous aime comme ça, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il m'enlève, pas moyen que je m'échappe. Il me serre si fort, je perds la respiration. Quand sur ma joue, il me colle une petite tape. Ça me fait tout de suite comme une fluxion. Il pince la main, c'est sûr qu'il va me la tordre. Je me prends ses doigts, c'est sûr qu'il écrasera. Il ne peut pas m'embrasser sans me mordre. Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il veut bien me mener à la promenade, c'est dans des chemins couverts et poussiéreux. S'il passe du monde, Raoul devient maussade. Il faut tout de suite que je baisse les yeux. Si je me retourne, alors il faut voir comme Raoul me gifle en me criant déjà. Je te casse la gueule si tu regardes un autre homme. Quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime, comme ça. Ah ah, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé à mon personnage? Fut-il arrêté? Fut-il fidèle? On ne sait rien d'elle, on ne sait rien d'eux. Non, là, c'est un clin d'œil à Gilles Vigneault. La semaine, il y a 2-3 semaines, j'ai fait « Fut-il amoureux? Fut-elle fidèle? » Alors l'histoire, la fin de l'histoire, il s'est fait coffrer pour voie de fait simple. Pour avoir postulé, oui, pour avoir postillonné sur elle. Et en même temps, cette improvisation-là était quand même assez rock'n'roll et j'ai voulu vous faire entendre une chanson de Juliette qui parle de la même chose, de la violence conjugale, mais autrement. Donc, c'est à se demander, doit-on en rire? Mais au moins, l'intérêt, c'est de s'y intéresser et de s'interroger sur la question. C'était juste ça. Voilà. J'ai voulu être sérieux pendant 45 secondes. Je l'ai été un peu trop. Mais je ne le regrette pas de l'avoir fait. C'est de l'improvisation. Je me suis arrêté parce que je sais que j'allais aller peut-être trop loin et je ne voulais pas non plus déranger mes auditeurs et auditrices. Si vous avez un message à m'envoyer, Raynal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial, hotmail.com. Hotmail, c'est HOTMAIL.COM. Et puis, à commercial, vous savez, c'est le A là, qui a l'air un peu recroquevillé, comme un escargot. Mais c'est pas un escargot. Non, madame, c'est pas un escargot. C'est un. Exact. Un. Laisse-moi. Voilà. Un commercial. C'est très comme. Ah, c'est. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Non, non, non. C'est pas de l'artisanat. C'est commerciaux. C'est commercial. Un commercial, c'est. Vous êtes très commercial, vous aussi, madame. Oh, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui. Vous pensez comme tout le monde. Félicitations. Vous n'aurez aucun problème, là. Parce que savoir, là, qu'on appartient à un groupe, c'est sécurisant. En psychologie, on vous dit ça, hein. Quand vous êtes seul, quand vous êtes marginal, singulier, un poète comme j'en connais, comme j'en ai connu, Ben là, tu peux être critiqué, remis en question, et c'est l'intérêt aussi de ces gens-là qui sont bien sûr placés sur la... J'allais dire placé sur la place publique, mais il y avait placé deux fois. J'aime pas placer deux fois les... Mais quoi qu'on me dit que tu radotes. Mon rénal, tu radotes. Ouais, t'as la parlotte qui radote. Mais aussi, t'as le trémolo, hein? Le petit trémolo, ça radote aussi. Mais ça va avec toi. Oh non, on essaie de te respecter. Puis on va plus loin. Et puis on oublie. Hein? Quand on aime, on oublie les petits problèmes techniques là, de nos camarades. Non syndiqué. Point à la ligne. T'es-tu syndiqué, toi? L'émission? Tu veux pas syndiqué? Non? Tous tes employés des Rances canadiennes sont pas syndiqués? Oh, c'est humaniste. Humaniste ou ministre? Humaniste! Oh, c'est humaniste. C'est ça. On sait pas comment ça finit, mais c'est humaniste. Ça, c'est dur à dire, hein? Puis ça, et quand tu veux pas non plus avoir toute la l'office de la langue française sur tes épaules, tu fais... Tu termines pas. Tu glisses. Féministe. Peut-être c'est ste, ske, spe, sne, sre. C'est l'hiver chez nous, hein? C'est l'hiver à l'année. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 2018, on va sillonner les S. Sillonnons les S, M. Tremblay. Avez-vous une voiture, vous, confortable, qui aime épouser les courbes? En parlant d'épouser de la courbe, en parlant d'épouser de courbe, Gainsbourg, Sex Shop, extrait du film Sex Shop de Claude Berry. Avez-vous vu le film de Claude Berry? Pas de Claude Berry, Claude Berry. Ça s'exporte mieux aux États-Unis pas en Angleterre. Oh yeah, ladies and gentlemen, Claude Berry. C'est mieux de dire, ladies and gentlemen, Claude Berry. Il glisse, il s'enfarge dans le berry comme sur une pleure de bananes. Puis là, le pauvre Claude arrive, il a été introduit comme une banane. Donc on voit une banane avec des bananes. Pardon? Oui, banane. Ça a été un grand succès, des petites pierres bananes. Banane, banane, banane, banane, que c'est beau la brise de ce juillet. Banane, banane, banane. C'est pas banane, c'est paname. Paname, maname. Ah bon? C'est une nouvelle croûte sur la banane, paname? Je connais rien sa banane, moi, à part la banane elle-même, là. Le blanc de la banane que je mange avec beaucoup d'interrogation. Puis il y a quelques jours, il m'en a offert une, j'ai eu peur, moi là. Tu sais, quand Philippe Catherine te dit veux-tu manger avec moi une banane? Bon, pas certain, là. Pas certain. Quelle sorte? La Maple, la Golden Rice, la Golden Rice. Est-ce que c'est comme les pommes? On a parlé des pommes tantôt, là. Y a-tu de la marque des bananes? Ça dépend qui a exploité les pauvres personnes qui ont cueilli ces bananes-là. Allez voir qui se fait exploiter. C'est pour... On mange des produits qui... Aujourd'hui, non, mais c'est épouvantable en 2019. C'est épouvantable. En fait, ça a toujours été épouvantable, mais avec les médias... Pas la chlamydia, les médias, madame. J'ai pas dit chlamydia, j'ai dit les médias. Après ça, moi, pour rire, pour faire rire. Je vais vous dire... Oh. D'accord. On s'excuse infiniment. Non, mais plus l'information nous arrive rapidement, moins elle est vérifiée. Pas fait d'études en journaliste. Hein? Allez. On sait pas. Ist. Pas fait de... Non, j'ai pas fait de formation en journaliste. S'il vous plaît, je sais que plus ça va vite, moins c'est vérifié, là. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Parce que le vieux pousse le nouveau pousse, hein, après ça devient vieux, puis ça pousse, tout pousse. Là. Ça pousse, c'est une information. 24 heures sur 24, t'es bombardé d'informations. À un moment donné, tu dis, oh non. Je lis plus les journaux. J'écoute plus les nouvelles. Si à un moment donné, un cinglé presse sur le bouton atomique, ben, chautrai sans le savoir, puis j'entendrai des sons en me disant « C'est quoi ça? Ah ouais? Le carnaval de Québec au mois de juillet? » Pas au mois de juillet, au mois de juillet. Au mois de juillet! Hey, ils sont drôles, eux autres, au Québec. Ils veulent toujours être extravagants. Ah, oh, t'entends-tu ça, là? Ah non, c'est une alerte à la bombe! Ben voyons, c'est une alerte à la blonde. Regarde-moi la blonde qui vient de passer. Ah, arrête, toi, toi! L'espaillette va te... Hein? Travaillez fort, cette pauvre femme-là, pour amener ses semblables dans le chemin qu'elle mérite. Quand je te vois dire des affaires de même, là, hein, l'alerte à la blonde, puis pourquoi les blondes, pourquoi pas les rousses, puis les châtaines, puis c'est quoi les couleurs de cheveux? Saint-Exuméré, le petit prince de Médiumérie, qui disait, l'essentiel est invisible pour les pieux, pour les yeux. Pour Yvon Deschamps, c'est les fesses, mais lui, c'est les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Pour Yvon, lui, l'essentiel est visible pour les fesses. Aujourd'hui, fâché, le dimanche, 5 coups. 5 coups sur le visage, ça fait mal. 5 coups manqués, ça, c'est pas si mal. 5 coups 2018, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement narratif, unissons-nous autour de notre comédienne, animatrice, femme de théâtre. Vraiment un être extraordinaire. Puis je veux juste vous raconter... Les nuages, lorsqu'on s'est rencontrés, étaient menaçants. Nous étions à l'extérieur, non pas à l'abri de rien, et la pluie est tombée. Je me suis dit, c'est sûr que Wally va me demander d'entrer à l'intérieur. Mais non, elle a accueilli la pluie sur sa tête, et je me suis dit, ça prouve que ce n'est pas une fille superficielle. Juste pour ça, j'ai voulu vous le raconter. 15 minutes avant la fin, il se met à mouiller. On reste là, on discute encore. On est bien, on est heureux. Elle est sublime, incroyable, humaniste. Je l'adore. Alors, je vous présente Wally Bageux, une femme à découvrir, la preuve. L'amour. jour. Qu'est-ce qui reste à faire? Reste à faire l'amour. Reste à faire l'amour. L'amour. Viens qu'on fasse l'amour. Fin de semaine prochaine. Voilà. Ok. Alors j'ai profité parce que comme ils sont compliqués, ben oui. Je te prie de m'excuser. Ben non, il n'y a aucun problème. Ça va? Ah oui, ben oui, toi. Bon, merci. Et le soleil va arriver grâce à toi. Alors beaucoup de travail, hein? Ben normalement, quoi. Ah oui, c'est classique. Ouais, c'est pour toi, c'est tout à fait. Ah, mais tu vas avoir froid, non? Non, j'ai chaud. Ah oui? Oui. Mais tu es toujours dans ce cirque constant? Ben, c'est pas un cirque, en fait. C'est une. Non, c'est pas un. C'est un cirque parce que c'est une question de rythme. Mais en même temps, au final, c'est juste être dans le présent et le réaliser et être aussi en fait dans un devenir, mais en fonction des en fonction du temps qui se dilate. Pour moi, c'est ça, en fait. Le temps qui se dilate, ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à tout, par rapport aux événements, par rapport aux pulsions politiques, par rapport à la pulsion médiatique, à ce qu'on vit, à l'économie, au changement mondial qui a énormément d'influence sur la création artistique. Et sur ta création à toi personnelle? Moi, j'ai de la chance. J'ai une chance folle dans le sens où j'ai toujours compris une chose dans la vie, c'est que je préférais entendre être bien à l'écoute et prendre les mots des autres et me les approprier parce que les miens sont moins intéressants que ceux des autres, je pense. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux avoir ou un pamplemousse pressé ou alors un citron pressé? Alors on a que de l'orange pressée. Il n'y a pas de citron, en vrai. Non. Et bah alors, un truc super malsain, un Coca Zéro, le truc qui n'a rien à voir, oui, quoi, oui, tu oui, vois. Oui, oui, oui. Non, mais parce qu'en ce moment, j'essaye de. Avec le zéro, moi je vais prendre une limonade. Une limonade? S'il vous plaît. Très bien. Non, mais parce que j'essaye de vivre sainement. Ça marche. C'est pas possible. Je vous laisse des cartes? Pardon? Je vous laisse la carte? Oh non, merci. Non, c'est bon? Mais oui, merci. Très bien. Mais tu vois plusieurs facettes dans ta vie artistique, ouais. Dans ta vie créative, dans ta vie, comment on peut l'appeler? Comme tout le monde. Il y a des comédiens, il y a des gens qui sont consacrés à l'écriture. Toi, tu fais de la radio, tu es comédienne, dramaturge. T'as vachement lu mon CV. Hein? Ben non, mais... Je fais de l'aérien, mais ça, oui. C'est ma passion. Okay. J'ai besoin de me trimballer dans l'espace. Et puis, au Québec, il y a quelque chose qui a fonctionné très fort, c'est Sexy Folie. Pourquoi tu ris? Mais tu sais que ça fonctionnait fort grâce à TV5 et toutes ces... Non, mais je savais même pas que tu connaissais le truc, en fait, parce que ça me paraît... D'une autre vie. Oui, puis en plus, si tu veux... moi, je savais ce que je voulais faire et c'était une époque où je passais pas mal de castings, etc. J'ai passé un casting pour ce truc, mais en même temps, alors quelque chose de très drôle, je passais à la fois, tu vois, moi j'étais toute jeune, et je passais à la étudiante encore, évidemment. On va mettre ça, ça c'est en 1980, à peu près, 80 quoi, 80... Je sais, j'ai aucune, et franchement, j'ai aucune notion des dates, alors... Ça fait un peu plus que, si, plus que 80, mais franchement, il faudrait que je regarde. 86, 87, est-ce que ça se peut? Ça me paraît un peu tôt, mais je verrai ça un peu plus tard, mais j'en sais rien, peut-être raison. Okay. Je sais pas. Mais avant les années 90, ça c'est certain. Avant les années 90? Avant 90, oui. Oui, ça doit être 89. Oui, c'est ça, à peu près dans cette... 90, ouais. Mais sur la voilà. On est prêt. Et alors, tu vois, c'est trop marrant. Parce en fait, toi, tu remplaçais déjà quelqu'un qui animait. France Roche. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Il y avait eu un casting avec des votes. Et les gens, ils votaient. Les gens, c'est qui, le public ou, Le public. Okay. Donc, tu avais eu un casting, on était 5 filles, et puis ils devaient choisir. Alors, il y avait des filles belles qui étaient mannequins, tu vois. Alors, moi. Je me disais, mais ce truc, c'est impossible que je sois choisie, tu vois. Et bon, je sais pas, alors c'était comme ça, et ça s'est fait comme ça. Mais ce qu'il y avait de drôle, c'est que je prenais mes cours de théâtre, et en même temps, je commençais une formation en criminologie de journaliste. Et alors, à cette époque, j'ai passé Sexy Folie comme casting, tu vas être mort de rire. J'ai passé la météo, j'y connaissais rien. C'était totalement surréaliste. Okay. Et j'ai passé un truc pour la bourse au Palais Brongniart. Ah, ça, je savais pas. Et alors, ça, personne ne sait. Okay. Et alors, mon pote était... j'avais un pote qui m'avait dit, on cherche des nanas en ce moment. Je lui ai dit, mais j'y connais rien du tout. Il m'a dit, c'est pas grave. T'es vachement, vachement de démerde. Alors, attends, on va se démerder. Moi, j'avais pas du tout d'argent. J'étais très pauvre et tout. J'ai dit, comment je vais faire? Je lui dis, je ne peux pas passer des castings sur toutes les chaînes. Donc, essentiellement TF1 et France 2 à l'époque, c'était TF1. Et je disais, mais comment tu veux que je fasse? Alors il m'a dit, écoute, je vais t'acheter une perruque. Ok, déjà là, on va commencer. Pour qu'on ne te reconnaisse pas, on ne te reconnaît pas. Alors, j'ai présenté la bourse, sauf que j'y connaissais vraiment rien. Et il m'a dit, tu sais, si tu te démerdes, on ne sait jamais. Et j'ai enregistré à la radio la bourse de la veille. Okay. Et du coup, j'ai appris par cœur la bourse de la veille. Donc, j'avais l'air vachement balèze dans le 440, dans le machin et tout. Et j'ai présenté mon truc. Et en fait, ils n'ont pas fait gaffe que ça n'avait rien à voir avec l'image, etc. Et à la fin du truc, il y a un mec très sympa, extrêmement brillant, Nicolas Poincaré, qui vient me voir et il me dit... Bah écoutez, c'est pas complètement votre truc, mais vous, je lui dis pas du tout. Il me dit, écoutez, j'ai été tellement estomaqué, vous êtes tellement maligne. Il me dit, si vous voulez, je vous fais rentrer dans mon école, vous allez être payé tant par mois. Et cette sacrée bourse, vous allez évidemment la présenter bientôt, parce que vous êtes tellement original. Et j'ai dit, j'ai eu super peur. Et là, j'ai dit, mais... C'est génial. Je vais avoir un salaire, je vais avoir un truc, je vais faire de l'image, mais c'est pas ma vie. Moi, j'ai besoin de raconter des histoires. J'en ai parlé à une de mes tantes qui était illustratrice sonore à la télé. Elle m'a dit, c'est complètement idiot, tu feras tout ce que tu veux après, tu pourras te barrer de ça. Prends-le, t'as une école. Pas de fric, c'est une école. Moi, je faisais criminologie avec Ladislas de Hoyos. Et j'ai fini par dire, je vais vendre mon âme au diable, je vais pas le faire. Parce que tu fonctionnes aux pulsions, si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. la vie est si courte, donc tu ne veux pas te tromper de chemin, ou en tout cas... Ah, mais j'ai vachement peur de perdre... Tu vois l'instinct, ouais, ouais, ouais. Et je suis persuadée que je me serais éclatée en même temps. Il m'aurait appris. Oui, mais c'est ça, c'est... Parce qu'on peut, on peut avoir des portes de plein de vide, intimes. Il suffit d'avoir des gens en face qui disent « viens avec moi ». Oui. Qui te reconnaissent. Viens chez moi, je te... Mais c'est la vie, ça. Oui, oui, oui, oui. C'est les rencontres, c'est génial. J'adore ça, moi. Ben oui, mais nous sommes la preuve de cette rencontre. Oui, oui. Et à travers tout ce cheminement-là, tu as voulu toucher à l'art dramatique. Tu as voulu même toucher à l'écriture de l'art dramatique. Tu as voulu toucher à la radio, à la sonorité du langage. Et amalgamer tout ça à ce que tu es, à la singularité de ce que tu veux proposer. Ben, c'est-à-dire, en fait, je suis fascinée par la voix. Je suis beaucoup plus fascinée par la voix que, tu vois, j'ai fait des choses avec des effets spéciaux sur David Copperfield quand j'étais sur cette pièce-là, avec l'histoire du Charity, du Châtelet et tout. Mais ça me fascine moins, parce que je sais qu'on peut faire des choses comme de la recette de cuisine. La voix, je reste amoureuse, fascinée de façon absolue du fait que... Bonjour. Merci. On je vais vous aider. Oui, fasciné, oui. Ouais, quand tu te lèves le matin et tout d'un coup, tu as une voix qui pénètre ton intime et qui vient taper sur le côté de la paroi d'une membrane du cortex en disant « je t'envoie des informations, tu me fais confiance » et tu as toute une profondeur d'intime que tu n'as pas quand tu as l'image. Parce que tu crées une image incroyable à la radio. Moi, j'adore ça. José Arthur le disait. C'est merveilleux, la radio. Ouais, ouais. C'est merveilleux. The break was so loud that it hushed the crowd. They all grew quiet and still had sunk to one. And thus begun to test my pool room skill. Dans la radio, ça t'accompagne aussi la radio. La nuit, lorsque tu dors pas, tu allumes le poste. Mais le matin, moi, j'allume la radio. Je mets la radio sur mon portable. Je mets la radio. J'ai une télé que ma mère m'a offert pour que je vois. Elle m'a dit, il faudrait peut-être quand même que tu vois et ton fils aussi des choses que tu tournes ou qui tournent ou que voilà. Je l'allume jamais. Et avec mon môme, on se dit toujours, mais on s'en fout, on a un ordinateur, si on veut voir des films, on regarde sur ordi, tu vois. Mais la radio, tout le monde dans la maison écoute la radio. Ah, une radio, ouais. Même le moins fortuné possède une radio. Mais oui. Quand j'ai eu un incendie, ça a été un choc quand même, il y a quelques années. Écoute, tu veux que je te dise, c'est la destinée. J'ai gardé le poste de radio qui était dans la cuisine, qui fonctionne toujours, dont une partie a brûlé. Tout l'appartement a brûlé, 110 mètres carrés en entier. Alors, les murs ont fondu et cette radio, elle fonctionne toujours. Elle raconte quelque chose aussi après avoir passé gardé. Au feu. Ouais. Il ne faut pas la vendre, il ne faut pas la donner, il ne faut pas la perdre. Non, personne ne l'achèterait d'ailleurs. Mais en même temps, ça vient de l'intime. C'est quelque chose qui parle d'elle-même. Cette radio-là a voulu survivre. Oui, offrir des voix, offrir... Oui, puis attends, les voix, c'est incroyable ce qu'on peut faire, parce que c'est aussi l'illustration sonore, il y a des pièces radiophoniques, il y a des radios qui envoient des univers complètement étonnants, tu peux plonger les gens pendant la guerre... Tu fais pas sonner l'imaginaire, donc, parce que Godard disait... La télévision crée l'oubli. C'est la première mise en scène, en fait. Oui, parce que la télévision, c'est l'image qui crée l'oubli. Oui. Le discours, c'est vraiment un grand bazar, la télévision. Tandis que la radio... Un grand bazar. Un grand bazar. Tandis que la radio laisse encore l'intelligence du genre humain, laisse encore... Oh oui, vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux fumer. Tu en veux une? Oh non, merci, je suis long fumeur. Bravo. Donc, bon, j'y suis pour rien, j'ai jamais commencé, donc j'ai pas cette... Et la radio, c'est ça, c'est ce qui nous accompagne dans la vie. C'est les voix. Ah, même. Puis il y a l'âme, il y a l'être interne, c'est le... C'est les choses cachées derrière les choses, quoi, qui ressortent. Tu peux pas mentir avec la voix. Non, non, non. C'est vrai qu'il y a quelque chose de précieux. Oui. Et il y a plein de personnes que tu as côtoyées, que tu as... Klaus Kinski, est-ce que tu peux m'en parler? Oui, très rapidement. Oui. Très rapidement, pour une raison particulière, c'est que moi j'avais... Alors pour le coup, j'étais encore plus jeune que... Et j'avais que très peur... Plus jeune que Sexy Folie, j'avais que... très peur. Très peur. J'ai été traumatisée. De quoi? De voir le personnage? Mais il hurlait tout le temps. Oui, c'est un malade. Il s'était... C'est un grand créateur, mais qui était très perturbé. Et il jouait un jeu aussi, je pense. Du cinglé? Il devait être c'est peut-être ces gens qui sont plein de talent mais écorchés vifs et qui chaque chose est une blessure qui s'ouvre, chaque acte qu'ils font, ouais. Je vois plus comme ça aujourd'hui. Je crois que c'est la seule fois où je me suis demandé si j'allais continuer ce métier. Je devais avoir 15 ans et demi ou 16 ans. J'ai eu très peur. Ça a été un cauchemar. Il nous faisait venir... sur des PAT à 4 heures du matin. Donc on se levait à 2h30. Ah oui, pour se préparer. Ouais. On attendait jusqu'à 14 heures sans rien faire. Il hurlait. Il n'y avait quasiment que des femmes. Il traumatisait ses assistantes. Je me souviens qu'il y avait une scène où il devait y avoir un mouton ou une brebis. C'est dans quel film? Dégorgé Paganini. Et il a demandé à une assistante de venir et il n'y avait que des filles, il n'y avait que des femmes qui prennent carrément des cours avec un coach, un truc pour qu'elles égorgent. C'était affreux. Je me souviens avoir parlé avec un cadreur, je peux t'en parler que comme ça, je l'ai vu que hurler. Il hurlait tellement qu'on était paralysés, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et un jour, il y a un cadreur qui... Il me dit, j'ose rien lui dire, mais je comprends pas, mon image est noire. On tournait au Bouffe du Nord, qui est un lieu extraordinaire. Et tout le monde avait peur. Et il y a une scène qui se fait juste après ça avec un comédien. Et Kinski n'était pas content après lui, et ça m'a traumatisé à vie. C'est une image très forte. Il avait un cajot de tomates qui servait un moment dans le film. Et le mec avait regardé avant de tourner la scène la petite amie qui était à côté de Kinski, qui était sa petite amie, qui était évidemment, qui avait 35 ans de moins que lui, quoi, qui était très jolie, mais qui avait rien fait de mal, et lui non plus. Il a juste tourné la tête, il a regardé, il a esquissé un quart de sourire. Il a commencé la scène, Kinski était assis dans les gradins, et il s'est mis à prendre des tomates, et avec toute la violence qu'il pouvait avoir en lui, il s'est mis à lui envoyer des tomates pendant qu'il jouait, en lui hurlant de continuer à jouer. Et c'était quelque chose de terrifiant, et personne, il y avait une prise d'otage générale, personne n'osait intervenir. Et moi, en voyant ça, je crois que tout d'un coup, ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit, je vais faire de la mise en scène. Il n'y avait pas que ça. Il y a une autre chose qui a été importante, c'est la criminologie. Mais ça a beaucoup été dans mon choix, cette image. En me disant, je vais faire de la mise en scène et je vais... c'est très simple, en fait, de défendre ce qu'on ne supporte pas. Et de en tout cas, de dénoncer, puisque... On tournait dans un théâtre et tout d'un coup, il m'est apparu ce lieu de résistance avec cet acteur qui faisait son métier, qui était en même temps... c'était terrible, quoi. Une humiliation absolue, mais qui résistait pour aller jusqu'au bout avec toute sa force, son humilité, et qui en même temps était tellement bafoué et humilié. Et j'ai vu ce lieu de résistance, ce lieu politique, social et humain. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. C'est intéressant, il y a des êtres comme ça qui sont déclencheurs dans notre vie. Toujours. Pour dire, non, je ne veux plus revivre ça et je veux aussi montrer que ça existe. Ah oui, oui, bien sûr. Tu vois, il n'y a pas que ça. Non, mais il y a aussi ça. Il y a aussi, ben ça c'est vachement important. Parfois, c'est parce des que ça, toutes c'est petites une sorte choses. De fascisme. Complètement. Complètement. Mais c'est un génie, mais le génie côtoie la folie, on le dit souvent. Ouais, après, moi, je pense que tu peux être un génie. Il y a des gens qui sont des génies sans être destructeurs avec les autres, en étant plutôt drôle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Vous auriez du feu, monsieur, s'il vous plaît, ou pas? Oui, oui, bien sûr. Moi, je valide, non. Merci. Et ensuite, on t'a vu derrière la caméra qui filmait des pièces de théâtre, de la captation théâtrale. Ouais, alors c'était des captations, oui, c'est vrai. Oui, alors, mais je les avais montées, alors c'était facile d'avoir une autre vision. Ben parce que tu avais déjà le regard de la metteur en scène. Donc, tu savais déjà où la caméra allait se placer, comment tu allais jouer avec le plan de... Oui, c'est vrai. Alors, au final, ça m'a aidé. Tu vois, je m'en aperçois sur cette pièce-là. Et même pour le jeu, ça m'a aidé. En fait, c'est juste la continuité de, par exemple, ce que tu vas raconter dans l'intime. Moi, ce que j'aime, vraiment... C'est cette dimension multiple qui va faire que tu es dans la tête des personnages. La lune est pleine sur mon Louis. Je me demande que sais-tu fais. Je me demande où c'est que t'es parti. Avec qui? Pis si c'est pour vrai là, t'ennuies-tu comme je m'ennuie? T'ennuies-tu de ce qu'on se faisait? T'ennuies-tu aussi? Ou si t'as tiré ton trait? Peut-être que je t'ai mal senti. Peut-être que je te mal aimais. Pour que tu te sentes envahi. Que tu me fuis comme si je t'enfermais là. Peut-être que ça se peut aussi. Peut-être que tu voulais. Peut-être pas de mari. Même si c'est pas ce que tu me disais. J'essaye j'essaye de passer à d'autres choses. J'essaye, j'me sors la bouse, pis j'crouse tout ce qui bouge. Mais ça paye, jamais aussi cher la dose. C'est pas pareil, c'est toi que j'touche, c'est toi que j'couche, toi pis ta rose de maudite petite bouche. Ça sortait d'un trait, là. Pis là, j'me choque. Pis là, j'crie. Pis là, je regrette après. Mais il est trop tard. Hostie. L'autarcie du jeu. Je suis pas du tout. J'ai un agacement profond aujourd'hui pour le surjeu, pour les gens qui exposent, qui manquent d'intériorité. Et donc j'ai très besoin d'avoir un axe interne avec des points d'ancrage. Oh ben c'est intéressant parce que c'est la version de l'acteur studio. Alors, un endroit que tu as déjà oui, alors ça, c'était une chance merveilleuse. Oui. Oui. En fait, je suis très amoureuse de la façon dont les personnes travaillent comme un artisanat, l'actorat, que ce soit, tu vois, au Canada, puisque c'est une culture au Québec. Au Québec, oui. Absolument, c'est une culture qui est quasi la même, qui est différente, qui est même peut-être encore plus riche, puisque il y a des influences françaises et puis la francophonie du monde, exactement. Le cirque, comme je sais pas, anglophone, il y a un vrai mélange de cultures au Québec, qui est passionnant. Et puis les gens ont quelque chose de... C'est marrant parce que il y a quelque chose de très ouvert, de tout est possible. Moi, je suis tombée très, très amoureuse quand je suis allée là-bas, de l'endroit, des espaces, du bouillonnement de culture, de l'intérêt qu'ont les gens et leur délicatesse aussi, parce que j'ai remarqué que, par exemple, tu regardes quelqu'un dans les yeux, il n'est pas forcément très habitué, il est content parce qu'on le voit, mais en même temps, il se demande s'il a fait quelque chose, et il vient voir, il te demande. Oui. Et je trouve que l'humour est plus fin, l'air de rien, parce que c'est pas de l'humour gratuit, il y a toujours une raison, tu vois, c'est ça que j'aime bien, une véritable raison de faire de l'humour, et ça part souvent de quelque chose de plus dramatique, et qui va devenir une réalité dont on va rire. C'est assez russe aussi. Et donc oui, j'ai eu cette chance de travailler cet artisanat-là, parce qu'on est dans un vrai métier d'artisan. Et donc j'ai appris beaucoup aux États-Unis, enfin à New York. Mais c'est parce qu'à la... J'adore New York, j'adore Montréal, j'adore Toronto. J'adore. Parce que c'est une école... d'acteur studio où tu peux te tromper. Les professeurs sont là. Là, c'est le moment. C'est pas sur scène. C'est maintenant. C'est ici. C'est présent. Et puis, il y a ça. C'est comme un laboratoire. Il faut déjà un niveau. Et il y a aussi des gens qui sont des très professionnels, en fait. Et qui viennent sur certaines sessions faire du training. Et puis, comme ça, comme des showcases ou des... C'est fascinant. Mais, et l'accès aux gens est facile. Oui, oui. Mais on voit que ton travail est toujours l'interrogation de l'art, l'introspection de l'art, de l'intérieur vers l'extérieur. Comment prendre... Quelle ligne médiane utiliser pour vouloir dire quelque chose? Il faut trouver une verticalité, comme dans la vie. Tu peux avoir des passerelles partout, mais je crois qu'on ne peut rien envisager, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il faut être sérieux pour pouvoir vraiment rire et aller jusqu'au bout. Il faut, en fait, moi je crois que je fais tout très sérieusement. Sans te prendre au sérieux. Ah non, surtout pas. Non, parce que y a pas de quoi déjà. Et on a juste une vie à vivre, donc... Non, mais oui, puis il n'y a pas de quoi se prendre au sérieux. Il y a quand même des gens qui vont dans des pays en guerre, sauver... Ouais, ouais. Là, il y a des gens qui pourraient se prendre au sérieux, qui ne le font jamais, et qui ne sont que dans l'humanisme. Je connais des gens en ce moment qui sont des militaires, qui risquent leur vie tous les jours dans des pays comme la Syrie, etc. Des médecins sans frontières. Là, on parle d'autre chose. Ça, c'est de l'acte important, parce qu'au final, qu'est-ce qui va rester? C'est ça, c'est l'humain qui défend l'autre, pour simplement que l'humanité ne s'étouffe pas et ne meure pas et ne se mange pas, n'est pas un cannibalisme généralisé, quoi. Voilà. Et le travail, pourquoi tu ris? Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait raison. C'est incroyable, cette merveilleuse discussion avec toi dans cette rue où il y a du soleil qui revient. Oui, ben oui, mais c'est ça, nous allons rayonner autant que le soleil. Donc, la loi de l'attraction, c'est ça. Ah ben oui. Ça, je crois beaucoup à ça. Grande adepte d'Erickson et d'Anthony Robbins. Oui. Directrice artistique, c'est un autre chose que tu pratiques. C'est très pompeux, hein. Non. Mais en fait, on m'a dit t'es directrice artistique d'une Mais école. Comment ça s'est fait? Parce que t'as pas vraiment de formation dans ce milieu-là. Toi, t'es à la base journaliste. Ah non, tu rigoles ou quoi? J'ai fait des cours de théâtre, je suis vraiment actrice, j'ai appris à jouer. Oui, actrice, mais c'est pas parce que tu es actrice que tu peux... Ben, j'ai actrice et metteur en scène, okay. Et puis je pratique, je dirige des acteurs. Okay. Mais donc, j'ai monté un laboratoire. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est mon truc à moi. J'ai monté un laboratoire de recherche pour les acteurs. Et ça consiste à... Oh, bah, ça consiste à travailler la spatialisation, à travailler différentes techniques de jeu. Tu t'es basé un peu en allant aux États-Unis aussi? Oui, en Russie, aux États-Unis, en mettant toutes ces techniques. J'ai mis en place une technique de voix. Je fais beaucoup travailler la respiration et la diction. Beaucoup. Je pense qu'être acteur, il faut une condition physique. Tu te promènes pas sur une scène. En France, beaucoup, on voit des personnes qui se promènent sur la scène. Et tu vois, ça c'est spécifique. Il faut que les acteurs comprennent qu'il leur faut une condition physique. Il ne s'agit pas d'aller faire la teuf toutes les nuits avant de jouer. Il faut être centré. On reparle de verticalité, c'est réellement important. Il y a cette rigueur, il faut une rigueur. Ouais. Moi, je viens aussi de la danse. Ah oui, c'est ça, je voulais en parler. Que ce soit le cirque ou la danse, alors là, pour le coup, tu es obligé d'avoir une sacrée rigueur de vie. Il y a un entraînement. Une hygiène. Tu vois, moi, je fais du sport, voilà. Bon, et puis après, il y a le centrage par rapport au fond du texte. Le fond du texte. Sans les auteurs, on ne peut rien faire, on n'existe pas. Donc après, il ne faut jamais trahir l'auteur. Jamais. Donc, et c'est apprendre tout ça. Puis il y a une école qui m'a demandé d'être directrice artistique de son école, mais je n'ai pas ça pour le coup. Parfois, on me demande quelques conseils. J'en donne, mais je n'ai pas l'impression d'être très utile là-dessus. Mais as-tu hésité avant de dire oui? Je t'assure. Oui. Ben oui. Ben oui, parce que c'est quand même quelque chose. Oui. C'est... Oui, oui, bien sûr, j'ai hésité. As-tu la trouille? Je trouve ça plus... Toujours. Oui. Un peu, oui. Ben oui, parce qu'en fait, c'est compliqué d'orienter des gens sur des choix. Mais c'est parce que... C'est difficile de dire... d'emmener il faut faire, moi je me dis qu'il faut faire de la haute couture, de sentir la respiration de l'autre et de l'accompagner dans sa respiration. Et dans la, je crois que la plus grande difficulté en fait, c'est se rendre libre, c'est être libre pour monter une pièce, pour jouer. Faut tout laisser à la porte et tout poser ses bagages et être libre et laisser le texte venir à toi pour qu'il te donne plein d'informations. Tu ne peux pas rentrer dans du vide. Par contre, tu peux te mettre à disposition. Et en fait, c'est un métier où, quoi que tu fasses, tu deviens transmetteur. Oui, c'est ça. Voilà. Et il n'y a pas d'ego à avoir. Et le plus dur, c'est d'enlever, à ce moment-là, précis, à ce millième de seconde, tout ego, tout, voilà, ne pas vouloir être aimé et juste être là comme transmetteur et se considérer comme un outil. Avec des choses et t'apprends tout le temps, tout le temps. Et moi, ma plus grande peur, en fait, c'est j'ai toujours le sentiment de redémarrer à zéro et de me dire est-ce que je vais savoir faire ça ? Okay. Et je ne sais jamais si je vais arriver à faire. Alors, je me dis, bah, ça, je pense que j'ai la capacité peut-être de pouvoir. Et parfois, il y a des choses, je me dis, ça, c'est impossible, je ne prends pas, je ne peux pas. Lorsqu'il y a une lueur, tu acceptes. Lorsqu'il y a l'opacité, tu refuses. Ça? Oui. Parce que il faut que ce soit clair en plus. Okay. Ah oui. Faut que les gens soient clairs. Il y a beaucoup de paramètres. Faut qu'il y ait de l'amour entre les gens, qu'il n'y ait pas de, tu vois, d'agression. De... Ça c'est Zakinski encore l'agression. Tu veux plus revivre ça? Ah je peux ça? Pas. Non non. Mais là, je peux pas. Terminé. De toute façon c'est pas mon truc. Je peux. Je trouve qu'une équipe ça doit être. Une troupe, une équipe, ça, oui, on ne peut pas faire des choses dans la rivalité, on ne peut pas faire des choses dans le, dans une nervosité qui va être pollutive. Il ne faut pas confondre nervosité et énergie interne. C'est ça. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Dallier. Mais c'est quoi? Est-ce que ça vient de ton enfance, le fait de... Oh, j'ai été élevée par une famille qui était... Oui, mon père était... j'ai des parents qui étaient en permanence... à tourner le regard sur l'autre. Mes parents ont aidé un nombre de gens incroyables alors qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils ont reçu des gens qui étaient à la rue chez nous. Ils nous ont appris à ne jamais détourner le regard et de ne pas avoir peur de quelqu'un dans la rue. Il m'arrive régulièrement, je le fais avec Morgane, mon fils, il nous arrive régulièrement l'hiver de faire des pâtes et de descendre et de rencontrer. Je me suis fait un ami roumain, un merveilleux garçon qui est chanteur. Pendant plusieurs mois, on est allé s'asseoir chez lui sur son matelas qui était au coin de notre rue. On a mangé avec lui, on a discuté avec lui. Et puis, malheureusement, le commissariat du 3e a jeté ses affaires. Alors, on a refait un appel à des dons. On lui a ramené. Parce qu'apparemment, il y a une loi que personne ne connaît qui serait tombée du ciel. On n'a pas le droit de résider dans la rue et d'être miséreux comme si ça ne suffisait pas, car ça gêne les touristes, même en plein hiver. Et donc pour ça, il faut payer une patente. Donc moi, j'ai appris ça. Il m'a supplié de ne pas aller au commissariat du 3e parce qu'il avait peur. Et puis un jour, j'ai plus vu, il a disparu et j'ai vraiment perdu un ami parce qu'on allait le voir tous les jours et on discutait ensemble, etc. Et tu sais quoi, ce qu'il est devenu ? Je pense qu'il a changé de quartier, je ne l'ai pas retrouvé. Okay. Je ne serais pas étonnée qu'il soit vers ici, d'ailleurs. Ok, c'est uniquement dans le 3e arrondissement que la loi... C'est partout. Ok. C'est comme un moment... dans certains pays où on prenait les gens qui étaient dans la rue et dans un car et on les envoyait à 100 km pour pas que ça fasse tâche. Ah ouais. C'est un peu ça. Un peu comme les tziganes aujourd'hui, on les envoie loin de... Ouais, c'est encore une autre histoire, ouais. Les tziganes. C'est pas encore la même histoire, mais oui, au final, on en est là. Alors qu'en fin de compte, on fait partie des pays extrêmement riches, que ce serait extrêmement simple d'intégrer les gens, qu'il n'y a pas de problème pour ça. Et que de toute façon, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une partie de plaisir pour eux. Non. Hein, quand tu vois, quatre enfants avec leurs parents dans la rue, les gens oublient qu'on est frères humains. Les gens oublient de baisser la tête en marchant. Il faut baisser la tête. Et même quand on n'a rien, il y a une chose, moi, et je suis très fière de mon fils parce que je lui ai appris ça. Et ça, vraiment, il est là-dedans aujourd'hui et je le vois. Et il le fait exactement comme quand il va chercher une baguette. C'est pas compliqué, même quand t'as rien à donner, t'as toujours à donner. Ça veut dire qu'on parle même plus d'argent. Ça veut dire qu'on parle de s'arrêter, se baisser, prendre les mains de la maman, faire un câlin aux enfants, et serrer la main au monsieur, et avoir un sourire, et quelques paroles d'encouragement, et demander juste d'où ils viennent, les prénoms, donner le tien, et comment ça va. Et puis si un jour, tu repasses par l'endroit, et que peut-être tu as une petite pièce, c'est pas grand-chose une petite pièce, mais c'est un droit d'accès à beaucoup de choses. Ou que si tu peux aller chercher un petit morceau de pain ou quelque chose, voilà, c'est tout con, hein. Et puis on a tous des affaires qu'on met plus, on a tous... C'est ce que je dis, les gens qui vont être les plus riches dans 10 ans dans ce pays, ça va être les artisans, ça va être les gens qui vont être ébénistes. Ça, c'est les gens qui seront les vrais milliardaires. Ça va tellement mal. Ça va être les gens qui savent faire pousser des légumes, qui ont été à un moment au plus bas, mais qui vont faire de l'échange. C'est pas nous, avec notre intellect et tout le reste, je sais pas, je vais aller faire une mise en scène dans un champ ou dans une boutique ou mettre ma bouchère en scène. J'ai un peu de mal à voir l'histoire, tu vois. Alors que le gars qui va avoir des poules et qui va faire des œufs ou qui se fera des fromages dans le Larzac, lui, par contre... lui a compris, lui a vécu ça. Exactement. Mmh. Et c'est ça, faut que les gens se rendent compte de ça, quoi. Ce qu'il faudrait oublier aussi, c'est le côté économique et s'approprier et regarder la richesse du cœur. Ben, c'est ça, complètement. C'est ça, complètement. Oui, bien sûr. Est-ce que ton travail artistique a beaucoup évolué ou si tu essaies de constamment mettre de l'avant ce que tu as commencé à faire au début? que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu es dans un cheminement qui va te ramener ailleurs ou si tu veux, au contraire, aller dans ce que tu connais, dans le confort de ce que tu... Je fais jamais ce que je connais, déjà, parce que sinon je m'ennuierais. Ouais. On s'endort dans le conformisme. J'avais jamais fait de policier au théâtre. Ah oui, oui, oui, oui. Tu vois, là, voilà. Donc ça, c'est aussi le grand bonheur de vivre plein de vie. Donc je ne fais jamais ce que je connais, mais il est indéniable que quoi que tu fasses, je pense que c'est exactement, alors pour le coup, comme les auteurs, les écrivains, je pense qu'on est animé par la même obsession toute sa vie, qu'on va décliner de façon différente, sans retomber dans des schémas, mais il n'empêche que cette obsession-là va te suivre autant dans du drame que dans de l'angoisse, que dans du rire, mais ce sera toujours la même. Alors après, elle va être en éventail, se transformer, puisque c'est que ça. Mm-hmm. Mais je crois que ça existe vraiment, oui. Est-ce que c'est, depuis le début, est-ce que tu sens que le travail est plus facile ou si tu travailles autant pour te trouver des contrats, Je travaille énormément. OK. Est-ce que tu refuses des choses? Il n'y a rien de facile. Alors on va dire qu'à force de faire, il est évident que il y a des choses que tu vois plus vite. Il y a des choses qui te plaisent mais moins. Non, oui, bien sûr, il y a des choses qui me plaisent moins, mais c'est aussi je crois que si on va être très intègre, plus tu vas avancer, plus tu vas aller dans la difficulté, normalement, si tu es en axe avec toi-même, du dépouillement. Okay. Plus ça va être dépouillé, plus tu vas être obligé d'être dans une réflexion, une difficulté de faire des choses presque avec rien, d'aller plus dans du pointillisme. Le minimalisme. Le minimalisme, exactement. Le théâtre, c'est beaucoup de la... C'est ça, exactement. Et ça, c'est ce que, évidemment, fait divinement bien Bob Wilson, qui est un véritable génie. Et puis il y a d'autres comme ça, mais voilà. Alors ça, c'est vraiment formidable. Bon. Même dans l'écriture, essayer d'en dire moins pour arriver à tout expliquer exactement. En si peu de mots. Oui, exactement. Comme les peintres, comme les danseurs. Donc pour moi, c'est ça. Éviter la surenchère. Oui, tout à fait. Le théâtre, c'est de la danse et de la peinture avec des mots. Est-ce que la chanson t'a intéressé à un moment donné? Oui. Et tu l'as mis de côté ou Ben, je chante sous ma douche. Ah oui, mais est-ce qu'il y a des enregistrements qu'on peut diffuser? Non, mais t'as pas trouvé d'enregistrement? Non, j'ai pas trouvé d'enregistrement. Non. Heureusement. Il y en a. Ah, il y en a, ok, sous la douche? Non, pas sous la douche. Okay. Et pourquoi la chanson t'a pas intéressé plus que si, ça? Si, je trouve ça merveilleux, génial. Je pense que les gens qui chantent sont plus heureux que les autres. Pourquoi? Parce que on touche à l'espace quand on chante, on touche à l'envol. Il y a une autre manière de remonter les organes. Et il y a d'autres contractions, il y a d'autres oxygénations. Si ça m'intéresse, dans une comédie musicale ou dans... Voilà, oui. Puis surtout, une chanson, ça nous suit, ça nous appartient, ça oui. nous... J'ai déjà un peu chanté, mais... On la fredonne oui. Le matin et le midi en terminant le boulot. Non, mais c'est génial de chanter, de danser, bien sûr. Ouais. Hein. Moi, j'aime beaucoup danser aussi. grosse question et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. De l'eau. OK. Quelle sorte? Du robinet, de le, la mer, un fleuve? Non, de l'eau qu'on trouve en Antarctique. OK. Pourquoi en Antarctique? Parce qu'elle est quand même beaucoup plus pure que les autres. C'est ça, j'allais dire la pureté. Oui. Oui. Si tu étais une ville. Une ville? Si tu étais une ville. Si j'étais une ville, un endroit, tu veux dire. Pas, oui, un endroit. La Sibérie. Ah oui. Mais qu'est-ce qui te plaît dans ce coin-là de la planète? C'est le côté. Les grands espaces. Oui. Pas de commercialisation. Les grands espaces. Et surtout, le froid amène, comme on disait tout à l'heure, l'horizon. Au dépouillement. L'horizon. Oui, l'horizon. L'horizon. À chaque fois qu'on parle de grands espaces, je vois encore le concert de M. Bachung. C'est hallucinant, les grands espaces. J'adore Bachung. Et c'est ce qu'il nous proposait, les grands espaces. Ah. Ouais, puis quelle intelligence de texte. Oui, oui, oui. Ben ça, c'est grâce à ses paroliers aussi. Oui, mais bon, le gars était extraordinaire. Oui. Il avait J'ai rencontré les deux paroliers de Bachung. Ah oui, ouais. Merveilleux. Bergman et puis Jean Fauque, l'année dernière. Si tu étais une langue... Je vais répondre une bêtise. Vas-y, et je vais dire quel comédien. Il y a un comédien qui m'a dit quelque chose aussi, donc n'aie pas peur, vas-y. Oui, je peux te dire. Oui. La mienne, parce qu'elle roule bien les pelles. Ah, c'est bon. Parce que Dreyfus a balancé une langue de cochon. Parce qu'il adore les cochons, il y a comme une fascination. Ça. Alors, ta langue. OK. Si tu étais une époque. Oh, j'ai une passion pour le 17e. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là pour que tu puisses... J'ai une passion pour la... J'ai une passion pour les peintures du 17e. Okay. Ah, oui. Les lumières. Si tu étais... Un mot. Infini. Ah oui, ben là, c'est... C'est 3 points de suspension. Si tu étais un aliment. Un aliment. Ça, tu touches à quelque chose de difficile. Non, en fait, non. J'hésite entre deux. Du basilic. Ah oui, OK. Pour assaisonner. Je trouve ça incroyable, même dans toute l'histoire élisabéthaine. Le basilic, c'est à la fois un poison, c'est un rapport avec le serpent, qui est un... J'ai une grande fascination pour les serpents. C'est des décoctions pour soigner les gens. C'est le symbole de la Renaissance, de la mort. C'est intéressant. Alors, c'est multiple. Ouais. Un peu comme le travail que tu fais, c'est multiple. Si tu étais une saison. Il y en a. Ben, je suis très très mitigée entre les deux, quoi, c'est ça. J'ai merveilleux qu'on soit en été. L'été qui arrive, c'est merveilleux. On a tous besoin de soleil. Alors, c'est l'été? Et normalement, ça devrait être l'hiver. Comme disait Gilles, mon pays, c'est l'hiver. Pour le Québec, mon pays, c'est l'hiver. Mais j'aime beaucoup l'hiver. Quoi. Oui. Je me sens bien en hiver. Si tu étais un membre corporel. Les yeux. Le regard. Le regard. L'âme à travers le regard. Ouais. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Je serais le 5h47, ce moment où 57, avant 6h du matin, où tout d'un coup tout va se réveiller. Et que ce soit hiver comme été, le ciel prend une tournure très bizarre. Le juste avant 6 heures du matin est très intéressant. Es-tu souvent levé à cette heure-là pour vérifier tout ça? Je suis pas forcément levée, mais je me réveille oui, très régulièrement. Tu mets le cadran, pour non? Me pas redormir, vraiment, pas aussi maladif que ça. Je me réveille. Ah oui? Ok, c'est comme un branchement. Depuis, j'ai remarqué que depuis un moment, je me réveille à 7h, précisément entre 5h40 et 6h. Et il y a un vrai moment où j'essaye d'entendre ce qui se passe. Et si je peux, je me lève et je regarde à la fenêtre. Et si tu étais un autre individu? Hein? Un autre individu? Ouais. Je serais, alors est-ce qu'on peut dire un individu, je serais Saint-Pierre pour avoir beaucoup d'informations sur le Très-Haut, car j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, la magouille qui se passe en haut. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? À choisir, je suis très contente de tout, même les choses qui ont été même émotionnellement difficiles dans ma vie, etc. Je ne les regrette pas, parce que je pense que les épreuves sont nécessaires et que tu passes par là, parce que c'est des portes de choix qui t'amènent à d'autres. Maintenant, à choisir, je ferai autre chose. Mais je ferai de la scène, je ferai autre chose. Ok. J'aurais bien aimé être une rock'n'roll star. Ben déjà là, t'as la bague qui en témoigne. Je suis assez rock'n'roll. Non, c'est celle-là qui... Je la quitte jamais, ouais. C'est quoi, c'est ton côté diabolique? Non, je suis pas du tout diabolique, non, c'est mon côté rock. C'est un bison. C'est la tête d'un bison mort. Okay. Oui. Okay. Donc ça me rappelle qu'il faut faire vite parce que peux très vite être dans le désert, ouais. Non, mais ça sent le Texas. Ouais, ça sent le Texas. Tu peux être vite, ça sent les Indiens, hein, ça sent des grands espaces aussi, ça sent les cowboys. J'adore les cowboys, moi. Et lors d'une agression, ça règle vite des comptes. Il y a pas d'agression. Alors je vais te dire un truc, oui. C'est très marrant. Okay. Parce que cette bague, je l'ai depuis très longtemps, je la mets tout le temps. Et en fait, et ça intéresse autant les gens qui ont une certaine noblesse que des gens qui n'ont pas comme dans la rue, des motards, machins, ou des gangs, ou des trucs, où les gens sont très sympas avec moi, avec cette bague. Donc je la garde. Parce que ça amène la communication. Et l'autre, alors l'autre, c'est encore autre chose, c'est un petit cercueil que ma mère m'a offert, en trouvant qu'elle était très jolie. Ok, mais est-ce qu'il y a des cendres à l'intérieur, non? Non, il n'y a pas de cendres, okay. Je mets ça parce qu'il pleut, il n'y a pas de cendres. Mais c'est juste un... Veux-tu qu'on se place... Non, pour l'instant, c'est... Okay. Ah, ça va, on va voir. Okay. Non, il y a un petit texte. Voilà, mais il n'y a pas de cendre, non. Ok, pas encore. Elle ne s'ouvre pas. Elle n'aura pas, non. Je ne pourrais pas porter des cendres. Non, c'est vrai que c'est assez morbide, hein. Le côté rock'n'roll, à un moment donné. Tout, non, morbide. Mais je ne suis pas du tout morbide. Non, tu n'es pas gothique. Tout est un jeu. Hein. Oui, ça, c'est vrai. La ludicité a sa place. Et en terminant, tu as beaucoup de projets? Ouais, après, j'en ai pas mal. Okay. Après... Jamais assez. Mmh. Alors, t'es comme une boulimique. Oui, ah non, mais complètement, je suis boulimique. Volontaire ou... Ah, plus ça va, plus j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ok, ah oui, le temps est assez limité aussi. Oui. Ouais. Plus ça va, plus tu vois... par exemple, quand je m'en veux, quand je vais voir un film, que je pars pas parce qu'il me plaît pas et que je... Ou dans une soirée où tout d'un coup, il n'y a plus rien à dire. Ou... Ça arrive. Ouais. Mais par respect, tu restes. C'est pas une question de respect. Parfois, je trouve un truc pour partir dans des soirées, par exemple, où j'ai l'impression de perdre mon temps. Maintenant, je m'en vais parce que je veux pas m'en vouloir, en fait. Tu vois, c'est ça. Donc, Donc si jamais, quelquefois, il peut se passer quelque chose, donc on peut rester histoire de... Mais alors, tu peux bousiller tout ton temps de vie avec on sait jamais. Hein. C'est vrai. Et... Faut que ça aille vite, quoi. Faut qu'il se passe quelque chose tout de suite, quoi. Parce que c'est pas. Tu vois, bon. Mais toi, t'es dans l'instant présent, t'es dans l'authenticité, t'es dans le. Bah, j'essaie. Oui. Comme toi. Oh oui, moi, tout le temps, oui, dans la... J'étais très étonnée, je trouvais ça super, ça, de dire on se rencontre, c'est chouette, enfin, tu vois, j'aime bien, c'était tellement simple, en fait, oui. C'était super. Mais moi, lorsqu'on commence à dire, ben là, il faut parler à mon tournant, il faut parler à quelqu'un d'autre que moi. Moi, j'arrête parce que je veux discuter avec la personne, je veux qu'on... Mais t'as raison. Oui, parce que moi, quand ça commence à devenir compliqué, quand on passe par un intermédiaire, là, ça m'intéresse plus. C'est bien beau avoir un agent de planning, comme on dit. Oui, mais c'est toi qui as raison, c'est bien. Tu vois, c'est ça, tu disais, mais c'est boulimique, mais ça vient d'une chose d'enfance. Ça vient d'une chose d'enfance importante. Moi, j'ai passé beaucoup de temps près du radiateur, au fond de la classe, à regarder. T'étais une rêveuse. Je suis une rêveuse. Et je voyais, j'entendais, et je me disais... Parfois, je trouvais le temps très long. Il y avait des cours de physique ou de maths, c'était, ça n'en finissait pas. J'ai l'impression que les heures s'étiraient. Merci. Les heures s'étiraient et tout ça. Et du coup, ça me permettait de me dire que jamais plus je perdrais mon temps à ce point. Mais ça me permettait aussi de tout d'un coup voir des choses qui n'existaient pas. Je l'ai beaucoup développé avec ça. Je voyais le professeur qui était normal d'un côté, puis tout d'un coup, pour moi, il se dédoublait. Je le voyais monter sur la table, faire des trucs, tu vois. Et j'ai beaucoup vu ça. Et m'imaginer faire des choses scandaleuses et tout dans la provoque que je ne pouvais pas faire. Alors j'étais avec mon rêve. Mais je me suis dit, un jour, je réaliserai ça. Tu vois, je suis metteur en scène aussi, je suis actrice. En même temps, on se rend compte aussi, il y en a qui ne le feront jamais, mais ça, c'est leur problème. Le temps est précieux, le temps est court, donc... Le temps va... C'est un sujet qui revient beaucoup, beaucoup autour de moi, je ne sais pas autour de toi, mais il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont l'impression que le temps va de plus en plus vite. Ouais. Et la chose extraordinaire, c'est qu'au départ, je me suis dit... Mais alors attends, ils ont quel âge, tout ça. Et puis je me suis dit, est-ce que moi, c'est vrai que ça passe très vite. Et puis après, je me disais, oui, non, enfin, ça passe normalement. En même temps, on peut, parce que tu peux parfois avoir le sentiment d'avoir une maîtrise sur le temps. C'est très prétentieux. C'est pas, tu vois, mais par exemple, parfois tu te dis, ne panique pas, il te reste 10 minutes pour faire ça. Il faut que tu sois là. Dans 10 minutes, il faut que tu sois changé, que tu sois machin, qu'on t'attende à tel endroit. Tu y arrives parce que. D'un coup, tu vas décider que tu as le temps. C'est toi qui t'offres le temps. Alors, tu vas remplir de façon très précise ce qui te reste. Et là, pof, t'arrives. C'est l'inverse, en fait. C'est les gens qui courent dans tous esclave les sens. Esclave du temps. Qui arrivent pas. Ouais. Toi, t'es pas esclave du temps. C'est toi qui décides que le temps... Bah, il est comme ça. Ouais. Alors, bon, bah, il faut faire avec. Mmh. Tu peux pas aller contre. Non. C'est comme la mort. Tu peux pas aller contre. Donc, oui, éventuellement, nous allons mourir. Mais durant ce temps-là, offrons-nous tout le plaisir que l'on oui. peut. Et oui, mais c'est pour ça que les gens qui se prennent au sérieux sont à mourir de rire, parce qu'en fait, ils sauvent pas le monde, ils sont ridicules, quoi. Mm. Et je trouve qu'il y en a beaucoup, de plus en plus. Non, mais réellement, il y en a énormément. Et on peut pas leur dire, parce que... C'est un cheminement aussi, c'est un cheminement. Ils ne le comprendraient pas. Non, ils doivent passer par quelque chose pour... Mais il y en a tellement. Oui, mais il y a des gens qui pourront jamais comprendre, puisqu'ils n'ont pas... de vécu, ils n'ont pas eu assez de... C'est vachement marrant en même temps. Moi, ça oui, me fait hurler oui, de rire. Oui, parce qu'on est des spectateurs, donc on regarde ça un peu comme les gens viennent voir des pièces de théâtre. Nous, on regarde le genre humain et sans être prétentieux, dire oh, « regarde-moi l'imbécile ». Non, on est là pour non, voir ben non. pourquoi eux n'ont pas encore compris. Pourquoi ils n'ont pas encore compris? C'est marrant. Hein? Oh oui, oh oui. Hey Wally, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Ah, mais moi aussi, attends. Et c'est dans ces rencontres-là que l'on se rend compte que l'humanisme est encore présent et que c'est réjouissant. Ah, c'est adorable. Rien n'est fini. Que tu dis. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Ah, ben non. Et donc, tout, c'est que le début. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ben, on a beaucoup de chance d'être ici, d'être vivant, d'être, oui. d'être en pleine santé. Exactement, exactement. Ah, tu vois? Oui. Même s'il pleut, c'est pas grave, nous on bouge pas. On s'en fout. Oui. On fait pas partie de ce genre de... Oui, mais c'est pas grave, non, non, c'est non. comme ça. Hein. Ah oui, puis c'est de la pluie, donc c'est tout à fait... Ça va. Oui, puis on c'est normal, c'est naturel. On n'a pas encore des pluies acides qui nous tombent sur la tête. Oui, qu'il y en a un toi, peu. Toi, t'as un chapeau. Oui, c'est ça, mais ça, c'est mon parapluie, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Et donc, c'est en plus, c'est la nature, comme disait un certain humoriste, c'est la nature. Pourquoi aller à l'encontre de la nature? On va l'accepter, comme ça, on va dépenser moins d'énergie. Oui. Hein? L'énergie est importante aussi. Combattre devant quelque chose qui est perdu d'avance, on ne fera pas parce que la nature, c'est la nature. Oui. Allons-y. Est-ce que je peux prendre des photos pour lorsque la présentation de notre émission aura lieu? Ben, on va te voir. Oui. Parfait. Ta journée est chargée? Non, bah, parce qu'en fait, là, je vais aller. Non, ça va. Beaucoup moins que d'habitude. Okay. Je vais aller voir le lien que m'a envoyé un ami. En fait, un réalisateur qui a fait la captation de la pièce. Donc, je vais regarder. Ah, que t'as pas encore vu. Non. Ok, là, c'est les premiers rushs. Ouais. Ok. Donc, je suis contente. Il m'a envoyé ce matin. Je trouvais ça merveilleux de recevoir ça si vite. Oui. J'ai reçu les photos hier. Elles sont chouettes. Il faut que je les choisisse. Je vais aller ranger un peu ma salle de répétition qui est dans un merdier. Ah oui, bien sûr, ouais, ok. Tu vois, des choses comme ça. Ah, je vais bien. Aller chercher le billet de train pour mon monde qui part demain en vacances. Et toi, prends-tu des vacances? Non, pas encore. En août. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer des choses que je n'ai pas encore choisies, tu vois. C'est marrant parce qu'en venant ici, je pensais aux États-Unis, je me disais... Je pensais au Canada, je pensais aux États-Unis. Au Québec? Il faut que j'aille, ouais. Je me disais, il faut que j'y retourne, là, ça fait longtemps. Ça fait 4 ans, il faut que j'y retourne, 4 ans c'est trop long. Ah oui, il se passe des choses en 4 ans. Ouais, puis t'as besoin de ressourcer. Ah ben oui, d'aller ailleurs, quoi. Voilà, et donc j'ai pas vraiment décidé encore, parce que je me dis que les choses vont arriver comme ça. Ah oui, c'est ça, alors comme disait Bachung à chaque fois, laisse venir. Ben moi c'est ce que je fais, je veux venir, je peux te dire. Et ça vient. Et ça vient. Et voilà. ah, ça, c'est tu bon mets aussi. Les gens dans une sacrée intimité, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années. Oui, hein. Ben oui, ben c'est ça l'intérêt, mais ouais, c'est que la communication se fait rapidement. C'est chouette. Hein? Il faut vite enlever les rideaux puis oui, arriver directement sur. Mais on va juste revisiter pour pas que. J'ouvre les ça, là, on peut le garder. Ouais, c'est pas terrible avec la bouche ouverte. Garde-la pour toi si tu veux, mais tu la publies pas. Non, je l'enlève parce que des fois, celle-là, on la garde, le regard est sur elle. Ça aussi. D'accord. OK, ça, c'est pas toi. OK, ben alors, j'ai choisi. On a enlevé ce que tu as voulu enlever, OK? D'accord. Parfait. Ah. Hey, mais merci. Merci à toi. Puis, est-ce que je voulais te dire oui? Écoute, oui. Si. Il faut que je t'enverrai après un petit teaser de la pièce, comme tu n'as pas pu la oui. voir. Oui, non, malheureusement. On va reprendre fin octobre. OK. C'est une belle pièce. Je voudrais beaucoup la jouer au Canada, moi. Au Québec? Oui. Parce que le Québec, c'est francophone. J'en rêve. OK. Est-ce que ce sera filmé? Bon, oui, bien sûr. OK. Ça a été, là, déjà. OK. Ouais. Alors, je vais peut-être avoir un petit... Ouais, je vais t'envoyer. OK, excellent. Et après, voilà, moi, j'aimerais beaucoup confronter le travail à ce public-là. Oui, tu vas voir, nous sommes très réceptifs. Il faut que je trouve un lieu. Je connais pas de lieu encore assez là-bas. OK. Mais si tu as une idée, elle est bienvenue. Oui, oui, je vais t'en parler, mais il y a un festival de théâtre au mois de... Il faudrait que je regarde c'est quand parce que ça a été modifié. Avant alors, ça, c'est c'était... pas juste pour rire. Ah non, du théâtre sérieux, entre guillemets. C'est non, pas... mais j'adore juste pour rire. C'est ah pas non, c'est rien à c'est voir. C'est rien à voir. Non, c'est à Québec. De un, c'est Québec. C'est vrai d'une jeune fille qu'on a trouvé assassinée. Oui, non, il n'y a rien de drôle, c'est du théâtre. Donc, il y a des Russes, des Allemands, des Asiatiques qui viennent chez nous pour proposer et c'est sous-titré pour les gens qui ne sont pas francophones. C'est bien ça. Oui, donc, c'est ce festival-là que je te parle. Ça a lieu. Puis même, il y a du. On fait des pièces à l'extérieur souvent. Ça m'intéresse, moi j'ai envie de partir. À un moment donné, je vais te raconter parce que ça vaut la peine. Ah, c'est rapidement. Ça, 5 minutes. Oui. Mais je ne vais pas te déranger. Ah, non. Ouais, mais à E30. Donc, il y a une pièce de théâtre qui se déroulait dans une voiture. Les gens entraient et la pièce commençait. Donc, c'était une discussion entre un couple, des comédiens. Et tu pouvais sortir de la voiture, entrer de la voiture, et tu arrivais en pleine séance. C'est génial. Ça, c'est pas mal, hein? Ou tu pouvais rentrer dans un bus et la pièce commençait. C'était une discussion entre des comédiens et des comédiennes. Un thème précis et les spectateurs, comme Arthaud voulait, étaient dans l'art vivant, c'est-à-dire que tu pouvais rentrer, sortir, rester là. Tu pouvais même discuter avec les comédiens, donc ça pouvait être modifié. C'est à peu près le genre de théâtre que propose le festival. C'est très intéressant, mais alors est-ce que... Comment... Il y a même du théâtre classique. Mais alors du coup, il y avait combien de personnes dans la salle? Ben, c'est pas une salle, c'est un bus ou... Oui, mais c'était pas mais sur il y avait une plusieurs scène. Autobus, d'accord. Plusieurs autobus, ah, okay. Plusieurs voitures, donc tu pouvais monter, descendre. Et il y avait même dans un café une pièce qui se déroulait. Et alors toi, parce que... Tu l'as entendu parler, hein? Non, j'en ai pas entendu parler, mais tu sais ce que... Ça, c'est formidable quand tu peux faire un truc comme ça. Non, mais c'était vraiment agréable. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est à la bonne franquette. On n'a rien préparé, il n'y a rien de... Tout est bah, c'est génial. Comme la vie, comme... Oui, puis c'est important cette authenticité parce que sinon, c'est ce qui fait la chair de ton émission aussi, je pense. Oui, être à l'écoute. Oui. Merci. Oui. Et la prochaine fois, quand tu... Si t'as besoin, tu vois, j'ai des copains comme Jean-Pierre Mocky ou tout ça, avec qui je vais tourner là. Jean-Pierre Mocky à Île Québec, donc non. Non. Non. Je vais tourner avec lui et Depardieu, là, un film, là, très rapidement, là, demain, qui bientôt. Toi, avec Gérard Depardieu? Ouais, et... Il est apparu actuellement? Bah, il va venir tourner dans le film de Mocky, ça okay. c'est sûr. Hein, et toi, tu es là demain pour ce film-là? Ouais. OK. Il a été très retardé, ce film. Il a eu 8 mois de retard. Ça a été très compliqué. Jean-Pierre okay. s'est pété le pied. Gérard, il y avait un souci d'assurance. Enfin, c'est ce que Jean-Pierre raconte, hein, tu vois. Okay. Mais bon, voilà, apparemment, le film va se faire là. Okay. Je l'ai eu avant-hier au téléphone. Il était... Et ton rôle, c'est un rôle... C'est le rôle d'une nana qui s'occupe de l'enlèvement du président de la République. Ça, c'est petit Mocky. Mais moi, j'adore Jean-Pierre Mocky. Il a détesté Québec? Ben, en fait, il était dans une émission dans le style « On n'est pas couché ». Et il y avait des Québécois, puis il a un peu dénigré l'accent québécois et le Québec en général. Mais moi, j'ai absolument rien contre le bonhomme. C'est ce qui me plaît chez lui, c'est sa façon. Il est marrant, ce mec. Pardon? J'aime bien, moi, il est marrant, je trouve qu'il me fait marrer. Moi. Oui, oui, mais moi, je trouve que c'est le Gainsbourg du cinéma. Oui, mais c'est ça, c'est. Ouais, ouais, voilà, c'est l'impertinence du personnage que j'aime bien. Ah oui. Et c'est l'homme qui a travaillé tellement fort pour. Même, il y a une salle de cinéma, c'est un type qui travaille pour son cinéma. Ah non, mais il a plus. Il a encore, bien sûr. Ouais, et puis, si tu veux. Moi, je suis allé voir. Sa vie est incroyable, là. Ouais, elle, c'est exceptionnel. Il a une vie exceptionnelle, ce mec. Ouais, même demandé à plusieurs reprises, mais non. Mais c'est son choix. Moi, je frappe aux portes. Si on n'ouvre pas, c'est pas grave. Je vais aller à l'autre porte. T'as carrément raison. Ouais. Tu fais comme moi. Ouais. Ben fait, oui. Quand on est un peu réactif, en fait, tout ça. Puis, aussi, avant de terminer, je croyais qu'il y avait des personnages beaucoup plus difficiles à rencontrer, Arthur H. Il m'a dit oui facilement. Il y a les deux paroliers de Bachung, ils m'ont dit oui sans... Tu sais, quand tu dis, mais là, on s'adresse à quelqu'un de plus... Mais non, mais on est trop contents, nous. Enfin, tu vois, c'est tellement Arthur sympa. Arthur H. vient au Québec, il est connu, c'est le Québécois français, Arthur ouais. H. Mais c'est génial que quelqu'un vienne de l'étranger et te dise, j'ai envie de te rencontrer, quoi. Pourquoi dire non? C'est complètement ouais. stupide, c'est tellement... C'est un privilège. Ah, mais merci. Moi, je me suis sentie privilégiée. Ah, j'étais vachement fière. Oui. J'ai ma meilleure amie qui est l'attaché de presse au ministère de la Justice. Bon. Et hier, je lui ai dit, on prend un verre, et hier, elle vient à la maison, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps dernièrement, et je lui ai dit, tu te rends compte, il y a un journaliste, animateur radio, voilà, je lui donne ton nom, je dis, je suis très contente, il vient et il m'a demandé, tout est très préparé y a, dans le rendez-vous, parce que ça fait déjà un mois et demi. Je lui ai dit, tu te rends compte, comme c'est sympa, je suis vachement flattée. Je lui dis, j'espère qu'il ne va pas être trop déçu. Non, mais tu sais, et elle me dit, mais c'est génial. Et on était tout excités. Ouais, c'est bien. Ben, comme je des mômes. Je l'étais tout autant. Tu vois. Oui, oui. Puis merci encore de ta présence. Puis c'est moi qui vais payer, il n'y a pas de problème. Non, non, bah non, écoute, c'est normal, ça me fait plaisir. Ah, ben merci.